Chapitre 6e. Revenons actuellement à Pierre Lamotte, qui, après être resté quelques semaines dans la prison de D, y avait été transféré à Paris, pour y être jugé en dernier ressort, et où le marquis de Montcalt l'avait suivi pour témoigner contre lui. Madame Lamotte avait accompagné son mari dans la prison du Châtelet. Ce dernier succombait sous le poids de ses malheurs, et tous les efforts de sa femme ne pouvaient le tirer de la torpeur du désespoir. Quand même il serait acquitté de l'accusation intentée contre lui par le marquis, ce qui n'était guère probable, il était sur le théâtre de ses premiers crimes, et au moment où il sortirait des murs de sa prison, ce ne serait probablement que pour être de nouveau livré entre les mains de la justice. Les poursuites du marquis n'étaient que trop bien fondées, et leur objet d'une nature trop sérieuse pour ne pas justifier la terreur de Lamotte. Quelque temps après que ce dernier se fût retiré à l'abbaye de Saint-Clair, le peu d'argent qu'il restait étant presque épuisé, il fut tourmenté de la plus cruelle inquiétude sur les moyens de subsister à l'avenir. Un soir, se promenant seul à cheval dans un endroit isolé de la forêt, ruminant sur sa détresse présente et cherchant quelques plans pour pourvoir aux besoins qui approchaient, il aperçut au milieu des arbres, à quelque distance, un homme à cheval qui paraissait n'être accompagné de personne. Il lui vint dans l'esprit qu'en volant ce passant, il éviterait la misère qui le menaçait. Il y avait déjà longtemps qu'il s'était écarté des bornes de l'honnêteté. La fraude lui était familière, et cette idée ne fut pas rejetée. Il hésita. Chaque moment de réflexion donna de nouvelles forces à la tentation. Peut-être ne se présenterait-il jamais une pareille occasion. Il regarda de tous côtés et ne vit que ce cavalier dont l'air annonçait un homme de condition. Lamotte, s'armant de toute sa résolution, s'avança vers lui et l'attaqua. C'était le marquis de Montalt. Il n'avait point d'armes, mais sachant que ses domestiques n'étaient pas bien éloignés, il ne voulut pas se laisser voler. Tandis qu'ils étaient aux prises, Lamotte aperçut plusieurs personnes à cheval qui entraient dans l'avenue. Et irrité du délai et de l'opposition qu'il rencontrait, il tira de sa poche un pistolet qu'il avait toujours sur lui quand il s'écartait de l'abbaye et fit feu sur le marquis. Celui-ci chancela et tomba sans mouvement. Lamotte eut le temps de lui arracher une brillante étoile de son habit, quelques bagues de diamants et de vider ses poches avant que ses domestiques arrivassent. Ceux-ci furent tellement surpris qu'au lieu de poursuivre le voleur, ils s'empressèrent de secourir leur maître et Lamotte échappa. Il s'arrêta, avant d'arriver à l'abbaye, à un monceau de ruines appelé le tombeau dont nous avons autrefois parlé pour examiner son butin. Il consistait en une bourse de 70 louis, une étoile de diamants, 3 bagues de prix et le portrait du marquis en miniature orné de brillants qu'il destinait à sa maîtresse. Lamotte, qui, quelques heures auparavant, était pour ainsi dire dénué de tout, fit éclater à la vue de ce trésor une joie immodérée. Mais elle ne fut pas de longue durée quand il réfléchit aux moyens employés pour l'obtenir et qu'il avait acheté au prix du sang de son semblable les richesses qu'il contemplait. Naturellement violent, cette réflexion le plongea subitement dans le plus grand désespoir. Il se regarda alors comme un assassin, tressaillit comme un homme qui sort d'un rêve, et il aurait voulu donner l'univers pour être aussi pauvre et aussi innocent que peu d'heures auparavant. En examinant le portrait, il en découvrit la ressemblance, et croyant avoir privé l'original de la vie, il le contempla avec une douleur inexprimable. L'inquiétude de la crainte succéda aux horreurs des remords. Agité de je ne sais quelle appréhension, il resta longtemps au tombeau, où il déposa finalement son trésor, pensant que si son crime excitait la vigilance de la justice, il pourrait se faire que l'on fouillât l'abbaye et que l'on découvrît les bijoux. Il lui fut aisé de cacher l'augmentation de sa fortune à Madame Lamotte, car, comme il ne lui avait jamais fait exactement connaître l'état de ses finances, elle n'avait pas eu le moindre soupçon de l'extrême pauvreté dont il était menacé, et comme leur manière de vivre était la même qu'à l'ordinaire, elle s'imaginait que les dépenses nécessaires pour l'entretien de la famille provenaient de la source accoutumée. Il ne lui fut pas aussi facile de se soustraire aux remords de sa conscience. Il devint sombre et rêveur, et les fréquentes visites qu'il fit au tombeau, où il allait en partie pour examiner son trésor, mais particulièrement pour se livrer à l'affreux plaisir de contempler le portrait du marquis, excitèrent la curiosité. Dans la solitude de la forêt, où il n'y avait aucune variété d'objets pour renouveler ses idées, celle d'avoir commis un meurtre était toujours présente à son esprit. Quand le marquis était arrivé à l'abbaye, l'étonnement et la terreur de Lamotte, car il ne sut d'abord si c'était l'ombre ou la réalité d'une figure humaine qui paraissait devant ses yeux, avaient été soudainement suivis de la crainte du châtiment que méritait le crime qu'il avait commis. Lorsque le marquis, touché de sa détresse, eut consenti à lui parler en particulier, il l'avait informé qu'il était né gentilhomme. Il avait ensuite fait mention d'autres circonstances de ses malheurs propres à exciter la pitié. Il avait témoigné une telle horreur de son crime et fait une promesse si solennelle de rendre les bijoux qui étaient encore en sa possession, car il n'avait dépensé qu'une très petite portion du vol, que le marquis l'avait enfin entendu avec une espèce de compassion. Ce sentiment favorable, joint à un motif d'égoïsme, avait induit le marquis à faire un compromis avec la Motte. Ayant des passions violentes et désordonnées, il avait vu la beauté d'Adeline avec une émotion singulière, et il résolut de sauver la vie à la Motte à condition que celui-ci lui sacrifierait cette malheureuse fille. La Motte n'avait eu ni assez de courage, ni assez de vertu pour rejeter cette condition. Il avait rendu les bijoux et consenti à livrer l'innocente Adeline. Mais comme il connaissait trop bien son cœur pour croire qu'elle se laissa facilement séduire, et comme il avait encore pour elle un certain degré de compassion, il avait tâché d'obtenir du marquis qu'il ne précipitât pas les choses et qu'il essayât de détruire peu à peu ses principes et de gagner son affection. Ce dernier avait approuvé et adopté ce plan. Son manque de réussite l'avait engagé à faire usage des stratagèmes dont il s'était ensuite servi et à multiplier de cette manière les calamités d'Adeline. Telles étaient les circonstances qui avaient réduit la Motte à son état déplorable. Le jour du jugement était alors arrivé, et il fut conduit de la prison à la cour de justice, où le marquis parut comme son accusateur. Après la lecture de l'acte d'accusation, la Motte, selon l'usage, dit qu'il était innocent. Et l'avocat Nemours, qui était chargé de sa défense, s'efforça ensuite de démontrer que l'accusation de la part du marquis de Montalt était fausse et malicieuse. Dans ce dessein, il fit mention de la circonstance où ce dernier avait tâché de persuader à son client d'assassiner Adeline. Il avança, outre cela, que le marquis avait eu des liaisons intimes avec la Motte plusieurs mois avant son arrestation, et que ce ne fut qu'après que celui-ci eut frustré l'attente de son accusateur en sauvant l'objet de sa vengeance que le marquis avait jugé à propos d'accuser la Motte du crime dont il était actuellement question. Nemours fit voir combien il était improbable qu'on entretint une correspondance avec un homme dont on a été assailli et volé, et il prouva que le marquis avait eu des liaisons particulières avec la Motte pendant plusieurs mois après l'époque indiquée comme celle où le crime avait été commis. Si le marquis avait eu dessein de poursuivre, pourquoi ne l'avait-il pas fait immédiatement après la découverte de la Motte? Et puisqu'il ne l'avait pas fait alors, qui avait donc pu l'engager à le poursuivre si longtemps après? Le marquis ne fit aucune réplique à ces arguments, car, comme sa conduite sur cet article avait été guidée par les desseins qu'il avait sur Adeline, il n'aurait pu la justifier qu'en mettant au jour des projets qui auraient montré la noirceur de son caractère et milité contre sa cause. C'est pourquoi il se contenta de faire paraître plusieurs de ses domestiques pour prouver l'attaque et le vol. Ceux-ci jurèrent sans scrupule que la Motte était le voleur, quoiqu'aucun d'eux ne l'eût vu que dans l'obscurité et courant au grand galop. Quand on les interrogea séparément, ils se contredirent, et conséquemment, leur témoignage fut rejeté. Mais comme le marquis avait encore deux autres témoins à produire, dont on attendait à chaque moment l'arrivée à Paris, le jugement fut différé et la cour s'ajourna. La Motte fut reconduite dans sa prison, dans le même état de désespoir avec lequel il en était sorti. En passant par une des allées, il vit un homme qui se rangea pour le laisser passer et qui le regarda très fixement. La Motte crut l'avoir vu auparavant, mais comme il faisait fort obscur, il n'avait pu distinguer ses traits qu'imparfaitement. D'ailleurs, son esprit était trop agité pour qu'il prît aucun intérêt à cet individu. Quand il fut passé, cet étranger demanda au geôlier qui était la Motte. En étant instruit, après lui avoir fait plusieurs autres questions, il le pria de lui permettre de lui parler. Comme il n'était en prison que pour dette, sa requête fut accordée. Mais il ne put avoir une entrevue avec lui que le lendemain, parce que les portes étaient fermées pour la nuit. La Motte trouva son épouse dans sa chambre, où elle l'avait attendue depuis quelques heures pour savoir l'issue du procès. Il désira alors plus que jamais de voir leur fils, mais comme ce dernier l'avait fort bien prévu, ils ignoraient son changement de garnison, parce que les lettres qu'il leur avait adressées à Aubonne, sous un nom emprunté, selon la coutume, étaient restées à la poste. Cette circonstance avait fait que Madame La Motte avait adressé ses lettres à la dernière résidence de son fils et qu'en conséquence, celui-ci n'était instruit ni des malheurs de son père, ni de son changement de lieu. Surprise de ne recevoir aucune réponse, elle en envoya une autre, contenant la relation du procès de son mari et annonçant combien elle désirait que son fils obtînt un congé pour se rendre sur le champ à Paris. Elle adressa cette lettre au même endroit, ne sachant où l'adresser ailleurs. Cependant, le soir prochain de Lamothe était toujours présent à son esprit. Naturellement faible, énervé par les plaisirs, il ne possédait pas la fermeté nécessaire pour envisager de sang-froid ce moment terrible. Tandis que ces choses se passaient à Paris, la Luc y arriva sans accident, après un voyage qu'il n'avait soutenu que par sa grande résolution. Il se hâta d'aller se jeter aux pieds du roi, et telles furent les sensations qu'il éprouva en présentant une requête qui allait décider du sort de son fils, qu'il n'eut que la force de la donner, après quoi il s'évanouit. Le roi reçut le placet, et ayant donné ordre qu'on prit soin de ce père infortuné, continua son chemin. On le reporta à son hôtel, où il attendit le résultat de ce dernier effort. Adeline, pendant ce temps-là, était restée à Bassot dans un état d'anxiété trop violent pour sa complexion délicate, et la maladie qui en avait été la suite l'avait presque continuellement retenue dans sa chambre. Quelquefois, elle osait se flatter que le voyage de la Luc aurait du succès, mais ces courts intervalles de consolation ne servaient qu'à augmenter, par leur contraste, la grandeur du désespoir dont ils étaient suivis. Et alternativement, tourmentée de ces deux extrêmes, elle éprouvait un supplice plus cruel que celui que produit un absolu désespoir. Quand elle se porta assez bien, elle descendit dans le salon pour converser avec Louis, qui lui apportait souvent des nouvelles de Théodore, et qui employait tous les moments qu'il pouvait dérober aux devoirs de son état à consoler ses amis affligés. Adeline et Théodore n'avaient d'espoir qu'en lui pour le peu de soulagement dont ils étaient susceptibles, et toutes les fois qu'il paraissait, une espèce de plaisir mélancolique s'emparait de leur cœur. Ils n'avaient pu cacher à Théodore l'indisposition d'Adeline, puisqu'il avait fallu lui dire les raisons qui avaient jusqu'ici empêché ces dernières de se conformer au violent désir qu'il avait de la voir encore une fois. Il parlait particulièrement à Adeline du courage et de la résignation de son amie, sans oublier néanmoins de lui faire mention de la tendresse qu'il exprimait toujours pour elle. Accoutumée à tirer sa seule consolation de la présence de Louis, et voyant sa constante amitié pour l'homme qu'elle aimait passionnément, l'estime qu'elle avait pour lui se changea en reconnaissance et continua de s'accroître par degrés. Le courage qu'il accordait à Théodore au milieu de ses calamités était un peu exagéré. Il était impossible que ce dernier pût assez oublier les liens qui l'attachaient à la vie pour subir son sort avec fermeté. Mais quoiqu'il eût de fréquents et de violents accès de douleur, il tâchait, en présence de ses amis, de prendre un air composé et ferme. Il n'avait que peu d'espoir au succès du voyage de son père, et cependant, cette faible espérance était suffisante pour tenir son esprit dans toutes les horreurs de l'incertitude jusqu'après l'événement. La veille du jour fixé pour l'exécution, la Luc arriva à Bassot. Adeline était à sa fenêtre quand la voiture s'approcha de l'auberge. Elle le vit descendre et entrer dans la maison, soutenue de Pierre, dans le dernier épuisement. Elle ne tira pas un bon augure de son air de langueur, et pour ainsi dire, accablée sous le poids de son émotion, elle alla à sa rencontre. Claire était déjà avec son père quand Adeline entra dans la chambre. Elle s'approcha de lui, mais craignant d'apprendre de sa bouche la confirmation du malheur que son visage semblait annoncer, elle le regarda d'une manière très expressive et s'assit, incapable de prononcer la question qu'elle avait envie de faire. Il tendit la main en silence, s'enfonça dans son fauteuil et parut anéanti dans la douleur. Ses manières confirmèrent toutes les craintes d'Adeline. Cette terrible conviction lui fit à l'instant perdre l'usage de ses sens. Elle s'assit sans mouvement et, pour ainsi dire, pétrifiée. La Luc et Claire étaient trop absorbées par leur propre détresse pour remarquer sa situation. Peu de temps après, elle poussa un profond soupir et fondit en larmes. Soulagée par ses pleurs, ses esprits revinrent peu à peu et elle dit enfin à la Luc : « Il est inutile, monsieur, de demander le succès de votre voyage. Cependant, quand vous serez en état de le faire, je le souhaiterai. » La Luc fit un signe de la main. « Hélas, dit-il, je n'ai rien à dire que ce que vous ne devinez que trop bien, mon pauvre Théodore. » Sa voix fut étouffée par ses sanglots et il s'ensuivit pendant quelques moments les plus pénibles angoisses. Adeline fut la première qui recouvra assez de présence d'esprit pour remarquer l'extrême langueur de la Luc et pour lui procurer des secours. Elle lui fit préparer des rafraîchissements et le pria de vouloir bien se remettre au lit et de permettre qu'elle envoyât chercher un médecin, ajoutant que la fatigue qu'il avait éprouvée exigeait du repos. « Je voudrais bien qu'il fût dans mon pouvoir d'en trouver, ma chère enfant, dit-il. Ce n'est pas dans ce monde que je dois le chercher, mais dans un monde meilleur, et j'espère que je ne tarderai pas à y être. Mais où est notre bon ami Louis Lamotte? Il faut qu'il nous conduise à la prison de mon fils. » La douleur le suffoqua encore, et l'arrivée de Louis leur apporta à tous un soulagement dont ils avaient grand besoin. Leurs larmes lui firent connaître ce qu'il avait envie de savoir. La Luxe s'informa sur le champ de son fils, et après avoir remercié Louis de toutes ses complaisances, le pria de le conduire à la prison. Louis tâcha de le persuader de différer sa visite jusqu'au lendemain, et Adeline et Claire se joignirent à lui, mais la Luc était résolue d'y aller le soir même. « Son temps est court, dit-il, encore quelques heures, et je ne le verrai plus. Au moins dans ce monde, je ne dois pas négliger ces moments précieux. Adeline, j'avais promis à mon pauvre fils qu'il vous verrait encore une fois. Vous n'êtes pas maintenant en état de soutenir une pareille entrevue. Je vais essayer de le réconcilier avec ce contretemps, mais si je ne réussis pas, et que vous vous portiez mieux demain matin, je suis persuadé que vous ferez tous vos efforts pour souscrire à ses désirs. » Adeline regarda avec impatience et voulut parler. La Luc se leva pour s'en aller, mais il put à peine gagner la porte de la chambre où, faible et épuisé, il s'assit sur une chaise. « Il faut céder à la nécessité, dit-il. Je sens que je ne saurai aller plus loin ce soir. Allez le trouver, Lamotte, et dites-lui que je suis un peu indisposé du voyage, mais que j'irai le voir demain de grand matin. Ne lui donnez aucune espérance. Préparez-le à ce qu'il y a de plus affreux. » Il y eut un intervalle de silence. À la fin, la Luc, se remettant, dit à Claire de faire préparer son lit, et elle obéit à l'instant. Quand il fut retiré, Adeline raconta à Louis ce qu'il n'avait que trop compris, le mauvais succès du voyage de la Luc. « J'avoue, ajouta-t-elle, que je m'étais quelquefois permis d'espérer, et je sens aujourd'hui doublement cette calamité. Je crains aussi que M. Laluc ne succombe sous le poids. Il est bien changé depuis son départ pour Paris. Dites-moi votre opinion avec sincérité. » Ce changement était si visible que Louis ne put le nier, mais il s'efforça d'apaiser ses craintes en attribuant ce changement en grande partie à la fatigue du voyage. Adeline déclara sa détermination d'accompagner la Luc pour dire adieu à Théodore. « Je ne sais, dit-elle, comment je soutiendrai cette entrevue, mais c'est un devoir que je me dois à moi-même et à lui de le voir encore une fois. Le souvenir d'avoir négligé de lui donner cette dernière preuve d'affection me causerait des remords éternels. » Après quelque autre conversation sur ce sujet, Louis alla à la prison en pensant au meilleur moyen de communiquer à son ami la fâcheuse nouvelle qu'il avait à lui apprendre. Théodore la reçut avec plus de résignation qu'il ne s'était imaginé, mais il demanda avec impatience pourquoi il ne voyait pas son père et Adeline, et étant informé qu'ils étaient indisposés, son imagination lui suggéra ce qui pouvait arriver de pire, que son père était mort. Louis fut longtemps à le persuader du contraire, et à le convaincre qu'Adeline n'était pas dangereusement malade. Cependant, quand il fut assuré qu'il la verrait le lendemain, il devint plus tranquille. Il pria son ami de ne pas le quitter cette nuit-là. « Ce sont, ajouta-t-il, les derniers moments que nous ayons à passer ensemble. Je ne puis dormir. Restez avec moi et allégez-en le fardeau. J'ai besoin de consolation, Louis. À la fleur de mon âge et tenant au monde par tous les liens, je ne puis le quitter avec résignation. Je ne saurais croire à ces histoires de courage philosophique dont nous entendons parler tous les jours. La sagesse n'est point en état de nous apprendre à abandonner un bien avec plaisir, et dans les circonstances où je me trouve, la vie est certainement un bien. » La nuit se passa dans une conversation embarrassée, qui fut quelquefois interrompue par de longs intervalles de silence et quelquefois par des accès de désespoir, et la lueur de ce jour, qui devait conduire Théodore à la mort, perça enfin à travers les grilles de sa prison. Cependant, la Luc passait une nuit terrible et sans sommeil. Il pria le ciel de lui accorder, ainsi qu'à Théodore, du courage et de la résignation. Mais les angoisses de la crainte étaient trop puissantes chez lui, et il ne pouvait les subjuguer. L'idée de sa femme et de ce qu'elle aurait souffert, si elle avait vécu pour être témoin de la mort ignominieuse qui attendait son fils, lui revenait sans cesse à l'esprit. Il semblait que le sort fût contre Théodore, car il est probable que le roi eût accordé la pétition de ce malheureux père si le marquis de Montalt n'avait pas été à la cour quand elle fut présentée. L'air et la grande affliction du suppliant avaient intéressé le monarque, et au lieu de donner le papier à un gentilhomme de la chambre, il l'avait ouvert. Après avoir jeté les yeux sur le contenu, ayant remarqué que le criminel était du régiment du marquis de Montalt, il se tourna vers lui et s'informa de la nature du délit du coupable. Le marquis fit une réponse telle qu'on devait s'y attendre, et le roi fut persuadé que Théodore n'était pas digne de pardon. pour revenir à la Luke qui, selon son désir, avait été éveillée de grand matin. Après avoir passé quelque temps en prière, il descendit dans la salle où Louis l'attendait déjà pour le conduire à la prison. Il paraissait calme et recueilli, mais on voyait sur son visage l'empreinte du désespoir, ce qui affectait singulièrement son jeune ami. En attendant Adeline, il parla peu et sembla faire des efforts pour parvenir au degré de courage nécessaire pour soutenir la scène prochaine. Adeline ne paraissant pas, il envoya à la fin quelqu'un pour la prier de se hâter et fut informé qu'elle avait été fort mal, mais qu'elle se remettait. Elle avait effectivement passé la nuit dans une telle agitation qu'elle succombait sous le poids de sa douleur et elle tâchait alors de recouvrer assez de force et de résignation pour se soutenir dans ce moment terrible. Chaque instant qu'il en approchait avait augmenté ses émotions et il n'eut que la crainte qu'on ne l'empêchât de revoir Théodore qui la rendit capable de lutter contre les maux réunis de la maladie et de la douleur. Elle alla enfin avec Claire trouver la Luke qui, s'avançant vers elle lorsqu'il les vit entrer dans la salle, leur prit à chacune une main en silence. Quelques moments après, il proposa de partir et ils montèrent tous dans une voiture qui les mena à la porte de la prison. La foule avait déjà commencé à s'assembler, et il s'élevait un murmure confus à mesure que la voiture s'approchait. C'était une vue bien pénible pour les amis de Théodore. Louis donna la main à Adeline en descendant, elle pouvait à peine se soutenir, et d'un pas tremblant, elle suivit la Luke que le geôlier conduisit vers cette partie de la prison où était son fils. Il était alors 8 heures. La sentence ne devait être exécutée qu'à midi. Mais il y avait déjà une garde de soldats dans la cour, et cette malheureuse compagnie, en passant dans les allées étroites, rencontra plusieurs officiers qui avaient été faire leurs derniers adieux à Théodore. En montant l'escalier qui conduisait à son appartement, l'oreille de la Luke fut frappée d'un cliquetis de chaîne, et il l'entendit se promener à grands pas dans sa chambre. Ce malheureux père, accablé par l'idée du moment qui allait lui présenter son fils, s'arrêta et fut obligé de s'appuyer sur la rampe. Louis, craignant les conséquences de son chagrin, dans l'état de faiblesse où il se trouvait, voulut aller chercher des secours, mais il lui fit signe de rester. « Je me porte mieux, » dit la Luke. « Oh Dieu, soutiens-moi dans cette heure terrible. » Et quelques minutes après, il fut en état de continuer. Quand le guichetier ouvrit la porte, le bruit déchirant des verrous fit frémir Adeline, mais elle se trouva au même instant en présence de Théodore, qui vola à sa rencontre et la retint dans ses bras au moment où elle allait s'évanouir. Comme sa tête se trouvait appuyée sur son épaule, il contempla encore une fois ce visage qui lui était si cher, qui avait si souvent répandu la joie dans son cœur, et qui, quoique pâle et insensible, lui faisait éprouver des instants de délice. Quand elle commença à ouvrir les yeux, elle les fixa tristement sur Théodore, qui, la serrant contre son cœur, ne put lui répondre que par un sourire mêlé de tendresse et de désespoir. Les larmes qu'il s'efforçait de retenir flottaient dans ses yeux, et pendant un moment, il oublia tout, excepté Adeline. La Luke, qui s'était assise sur le pied du lit, paraissait insensible à tout ce qui l'environnait et absorbée dans sa douleur. Mais Claire, qui tenait la main de son frère et qui avait la tête appuyée sur son bras, exprimait tout haut les tourments de son cœur, ce qui excita l'attention d'Adeline, qui lui dit d'une voix presque éteinte d'épargner son père. Ces paroles émurent Théodore, qui porta Adeline sur une chaise et se tourna vers la Luke. « Mon cher enfant, » dit la Luke, en lui prenant la main et en fondant en larmes. « Mon cher enfant !» Ils pleurèrent tous deux. Après un long intervalle de silence, il dit « J'aurais cru pouvoir supporter cette heure-ci, mais je suis vieux et faible. Dieu connaît mes efforts pour la résignation et ma confiance en sa bonté. » Théodore, par un grand et soudain effort d'esprit, prit un air ferme et composé et tâcha, par les arguments les plus plausibles, de consoler ses amis désolés. La Luke parut enfin avoir surmonté sa douleur. S'étant essuyé les yeux, il dit « Mon fils, j'aurais dû vous donner un meilleur exemple et mieux pratiquer les préceptes de courage que je vous ai si souvent enseignés. Mais cela ne m'arrivera plus. Je connais mes devoirs et je les remplirai. » Adeline poussa un profond soupir et continua de pleurer. « Consolez-vous, ma chère amie. Nous ne nous séparerons que pour un temps, » dit Théodore en baisant les larmes qui coulaient le long de ses joues. Et joignant sa main à celle de son père, il la recommanda fortement à la protection de ce dernier. « Recevez-la, » ajouta-t-il, « comme le legs le plus précieux que je puisse vous laisser. Regardez-la comme votre fille. Elle vous consolera quand je ne serai plus. Elle fera plus que suppléer à la perte de votre fils. » La Luke l'assura qu'il regardait déjà et continuerait de regarder Adeline comme sa fille. Pendant ces heures d'affliction, il s'efforça de dissiper les terreurs de la mort, en inspirant à son fils une confiance religieuse. Sa conversation fut pieuse, raisonnable et consolante. Ce ne furent pas les froides expressions de l'esprit, mais les sentiments d'un cœur qui aimait et pratiquait depuis longtemps les purs préceptes du christianisme, et qui en tirait alors une consolation que rien de terrestre ne saurait dispenser. « Vous êtes jeune, mon fils, dit-il. Vous n'avez pas encore commis de grands crimes. Vous pouvez donc envisager la mort sans terreur, car son approche n'est terrible qu'au coupable. Je sens que je ne vous survivrai pas longtemps, et j'espère qu'un Dieu de miséricorde nous fera rencontrer dans un état où le chagrin est inconnu, où le Fils de la justice guérira nos blessures. » En parlant ainsi, il levait les yeux au ciel. Les larmes roulaient dans ses yeux, qui rayonnaient d'une douce et fervente dévotion, et son visage avait la dignité d'un être supérieur. « Ne négligeons pas ces moments terribles, dit la Luc en se levant, que nos prières réunies montent vers celui qui a seul le pouvoir de nous consoler. » Ils se mirent tous à genoux, et il pria avec cette simple et sublime éloquence qu'inspire la vraie piété. Quand il se leva, il embrassa ses enfants l'un après l'autre, et lorsqu'il vint à Théodore, il s'arrêta, le fixa avec une expression de tendresse et de douleur, et fut pendant quelque temps incapable de parler. Théodore ne put supporter cette vue. Il se mit la main devant les yeux et fit d'inutiles efforts pour étouffer les violents sanglots qui le déchiraient. Recouvrant à la fin l'usage de la parole, il pria son père de le laisser. « Cet état est trop violent pour nous, dit-il. Ne le prolongeons pas davantage. Le temps s'approche. Permettez-moi de me composer. La mort n'a de cruel que la séparation d'avec ce que nous avons de plus cher. Quand cela est passé, la mort n'est rien. » « Je ne vous quitterai pas, mon fils, répliqua la Luc. Ma pauvre fille s'en ira, mais quant à moi, je veux être avec vous dans vos derniers moments. » Théodore sentit que cela serait trop pour eux deux et fit usage de tous les arguments que la raison put lui suggérer pour engager son père à renoncer à son dessein. Mais il resta ferme dans sa résolution. « Je ne souffrirai pas que la considération des souffrances que je puis endurer, dit la Luc, me fasse abandonner mon enfant dans le moment où il aura le plus besoin de mon soutien. » Il est de mon devoir de vous accompagner, et rien ne m'en empêchera. » Théodore saisit les paroles de la Luc. « Puisque vous voulez, dit-il, que je me soutienne dans ma dernière heure, je vous prie de ne pas être témoin. Votre présence, mon tendre père, me dépouillerait de tout mon courage, ferait évanouir le peu de résolution que je pourrais avoir. N'ajoutez pas à mes souffrances la vue de votre détresse, mais permettez-moi d'oublier, s'il est possible, le cher parent qu'il me faut quitter pour toujours. » Les pleurs coulèrent de nouveau. La Luc continua de le regarder fixement. À la fin, il dit « Eh bien, soit, puisque ma présence vous ferait peine, je n'irai pas. » Il dit cela d'une voix entrecoupée. Après un intervalle de quelques moments, « Il faut nous séparer, dit-il, il faut nous séparer, mais ce n'est que pour un temps. Nous ne tarderons pas à nous rejoindre dans un monde plus parfait. Oh Dieu, tu vois jusqu'au fond de mon cœur, tu vois tout ce qu'il éprouve dans ce cruel moment. » La douleur le suffoqua de nouveau. Il serra Théodore dans ses bras, et à la fin, paraissant recueillir toute sa force, il répéta « Il faut nous séparer. » « Oh, mon fils, adieu pour toujours dans ce monde. Que Dieu, dans sa miséricorde, veuille bien vous soutenir et vous accorder sa bénédiction. » Il se tourna pour quitter la prison, mais épuisé par sa douleur, il tomba dans une chaise qui se trouvait près de la porte qu'il voulait ouvrir. Théodore, le désespoir peint sur le visage, fixait tour à tour son père, Claire et Adeline qu'il serrait dans son sein, et leurs larmes se mêlaient ensemble. « Est-ce donc la dernière fois, s'écria-t-il, que je contemple ce visage? Ne le reverrai-je jamais? Jamais? Oh, douleur inexprimable! Encore une fois, ajouta-t-il, encore une seule fois, en lui baisant la joue. Mais elle était insensible et aussi froide que le marbre. » Louis, qui avait quitté la chambre peu après l'arrivée de la Luc, afin de ne pas interrompre, par sa présence, leurs tristes adieux, y revint. Adeline leva la tête, et ayant aperçu celui qui était entré, la plongea de nouveau dans le sein de Théodore. Louis parut fort agité, la Luc se leva. « Il faut nous en aller, dit-il. Adeline, ma chère, faites un effort. Claire, mes enfants, partons. Cependant, encore un dernier embrassement, et alors ? » Louis s'avança et lui prit la main. « Mon cher monsieur, j'ai quelque chose à dire. cependant je crains de parler. Que voulez-vous dire ? Reprit la Luc avec précipitation. Aucun nouveau malheur ne saurait m'affliger dans ce moment. Ne craignez pas de vous expliquer. Je suis très aise de n'avoir pas cette nouvelle épreuve à vous faire subir, répliqua Louis. Je vous ai vu supporter la plus grande affliction avec courage. Pourrez-vous soutenir la joie de l'espoir ? La Luc regarda Louis avec un air de surprise. Parlez, dit-il d'une voix faible. Adeline leva la tête et, tremblante, entre la crainte et l'espérance, considéra Louis comme si elle avait voulu pénétrer dans son âme. Il lui sourit d'un air de satisfaction. Est-il, ou est-il possible ? S'écria-t-elle en revenant à la vie. Il est sauvé, il est sauvé ! Elle n'en dit pas davantage, mais courut vers la Luc qui s'évanouissait dans sa chaise, tandis que Théodore et Claire prièrent Louis tout d'une voix de les délivrer de cette cruelle incertitude. Il les informa qu'il avait obtenu du commandant un sursis pour Théodore, jusqu'à ce que le roi eût fait connaître sa dernière volonté, et cela, en conséquence d'une lettre qu'il avait reçue de sa mère dans la matinée, par laquelle elle s'instruisait de quelques circonstances extraordinaires qui avaient paru dans le cours d'un procès actuellement pendant au Parlement de Paris, qui compromettait tellement la réputation du marquis de Montalt qu'il était possible qu'on obtînt la grâce de Théodore. Ces paroles passèrent avec la rapidité de l'éclair dans le cœur de ses auditeurs. La Luc revint à lui, et cette prison, qui, il n'y a qu'un moment, offrait une scène de désespoir, ne retentit plus que de cris de joie et de reconnaissance. La Luc, levant les mains vers le ciel, dit « Ce grand Dieu, soutiens-moi dans ce moment, comme tu m'as déjà soutenu. Pourvu que mon fils vive, je mourrai en paix. » Il embrassa Théodore, et se rappelant les angoisses de ce dernier embrassement, des larmes de reconnaissance et de joie coulèrent le long de ses joues et lui firent éprouver des sensations contraires. Ce sursis momentané produisit à la vérité un effet si merveilleux et un si grand espoir pour l'avenir que la grâce absolue du criminel n'aurait pas, pour l'instant, causé un plaisir plus vif. Mais après les premières émotions, l'incertitude du sort de Théodore reparut dans toute sa force. Adeline ne fit pas mention de ses sentiments à ce sujet, mais Claire déplora ouvertement la possibilité que son frère fût encore arraché d'entre leurs bras et que leur allégresse fût changée en douleur. Un regard d'Adeline l'arrêta. Cependant, la joie devint tellement la passion dominante du moment que les ombres que la réflexion jetait sur leurs espérances s'évanouirent comme les vapeurs du matin devant les rayons du soleil, et il n'y eut que Louis qui parut distrait et rêveur. Quand ils furent un peu remis, Louis les informa que le contenu de la lettre de Madame Lamotte l'obligeait de partir sur le champ pour Paris et que les nouvelles dont il avait à leur faire part regardaient particulièrement Adeline, qui jugerait sans doute nécessaire de s'y rendre aussi dès que sa santé le lui permettrait. Il lut alors à ses auditeurs impatients les passages de sa lettre susceptibles de développer ce qu'il avançait. Mais comme Madame Lamotte avait omis plusieurs circonstances importantes qu'il est nécessaire de connaître, voici ce qui s'était dernièrement passé à Paris. On doit se rappeler que le premier jour du procès, Lamotte, en allant de la cour de justice à sa prison, avait vu un homme dont il avait cru reconnaître les traits, quoiqu'il ne l'eût aperçu que dans l'obscurité, et que ce même homme, après s'être informé du nom de Lamotte, avait demandé à lui parler. Le jour suivant, le geôlier avait accédé à sa demande, et on peut se figurer la surprise de Lamotte quand, au plus grand jour de son appartement, il reconnut le même individu des mains duquel il avait reçu Adeline. Ayant trouvé Madame Lamotte dans la chambre, il dit qu'il avait quelque chose d'important à communiquer et désira qu'on le laissât seul avec le prisonnier. Lorsqu'elle fut retirée, il dit à Lamotte qu'il avait appris qu'il était poursuivi par le marquis de Montalt. Lamotte lui répondit que oui. « Je sais que c'est un scélérat, dit l'étranger. Votre cas est désespéré. Souhaitez-vous de vivre ?» « Est-ce là une question à faire ?»« Je suis informé que votre procès continue demain. Je suis actuellement prisonnier pour dette, mais si vous pouvez m'obtenir la permission de paraître à la cour de justice avec vous, et une promesse de la part des juges que ce que je révélerai ne me compromettra pas, je découvrirai des choses qui confondront le sudit marquis. Je prouverai que c'est un scélérat, et l'on jugera alors jusqu'à quel point son témoignage contre vous peut être valable. » Lamotte, qui avait alors un grand intérêt à l'entendre, le pria de s'expliquer, et cet homme commença une longue histoire des malheurs qu'il avait obligé de donner les mains au projet du marquis. Mais il s'arrêta tout d'un coup et dit « Je m'expliquerai plus au long quand j'aurai obtenu de la cour la promesse que je demande. Jusqu'alors, je ne puis en dire davantage. » Lamotte ne put s'empêcher de témoigner des doutes sur la vérité de ses assertions et une espèce de curiosité de connaître les raisons qui l'engageaient à devenir l'accusateur du marquis. Quant à ses motifs, appliqués à l'individu, ils sont fort naturels. Il n'est pas aisé de se voir maltraité sans en avoir du ressentiment, surtout par un scélérat à qui on a rendu des services. Lamotte s'efforça, par intérêt pour cet individu, de modérer la violence avec laquelle il s'exprimait. « Je me moque bien qu'on m'entende, » ajouta l'étranger. Mais cependant, il parla plus bas. « Je le répète, le marquis a eu de mauvais procédés à mon égard. Il y a assez longtemps que je lui garde le secret. Je ne pense pas qu'il soit important de s'assurer de mon silence, autrement il aurait soulagé mes besoins. Je suis en prison pour dette, et je lui ai fait demander des secours. Puisqu'il n'a pas jugé à propos de m'en faire passer, qu'il en subisse les conséquences. Je vous réponds qu'il ne tardera pas à se repentir d'avoir excité mon ressentiment. » Les doutes de Lamotte furent alors dissipés. Il eut encore une fois devant lui la perspective de la vie, et il assura Dubos, tel était le nom de l'étranger, avec beaucoup de chaleur, qu'il dirait à son avocat de faire tous ses efforts pour obtenir qu'il pût paraître en justice, ainsi que la promesse qu'il exigeait. Après quelque autre conversation, ils se quittèrent.